Oh, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Tout le monde, ouais. Vous êtes dans la voix des guerriers et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jess Liodin. Est-ce que je prononce bien, c'est Liodin? Oui, Liodin, c'est bien ça. Oh, il y a du monde, il y a pas grand monde. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que je combat professionnellement. C'est très, très rare qu'il y ait des gens qui le disent correctement. Il y a que Joe Rogan qui a essayé de le dire correctement. Et c'était un petit peu ridicule. Donc, j'ai l'habitude que les gens écorchent mon nom. Mais Liodin, oui, en effet, c'est bien ça. Bon, ben parfait, on aura réussi ça au moins. Et là, je vais vous dire, on a quelques lecteurs sur MMAnouvelle.com et des auditeurs de notre émission La Voix des Guerriers qui nous ont suggéré fortement de vous recevoir en entrevue parce qu'apparemment, vous avez un parcours de vie qui vous a mené au combat qui est assez particulier et qui serait assez intéressant. Alors, on va bien savoir comment tout ça est parti, M. Liodin. Les arts martiaux, ça, vous avez rencontré ça à quel moment dans votre vie? Ah, moi, j'ai commencé, comme tous les gamins, quoi. J'ai commencé avec le judo à 8 ans. Donc, je pense qu'en France, généralement, soit les gamins, ils font du foot, soit ils font du judo. Moi, j'ai essayé le judo, et pour être totalement honnête, j'étais pas très, très bon du tout, en fait. Parce que bon, j'avais des petits problèmes de famille, j'avais mon père qui me cognait un petit peu dessus, et puis, justement, eh bien, j'avais l'habitude de me laisser un petit peu faire, et j'étais pas vraiment compétitif. Et c'est simplement par la suite, j'ai fait du judo, du karaté, et puis lorsque j'avais 14 ans, je suis parti de chez mon père, en fait. Et là, j'ai commencé la boxe thaï, et c'est là que j'ai commencé à devenir, être un peu meilleur aux arts martiaux. Mais j'ai commencé en fait gamin, mais j'étais pas vraiment bon. Est-ce que vous avez, est-ce que vous tenez encore des liens avec votre père? Ah non, pas du tout. Je l'ai pas revu depuis que j'avais l'âge de 14 ans. Alors, il me cognait pas mal dessus, hein. C'était pas une petite tarte par-ci, par-là. J'ai eu ma première cloison nasale de déplacer. Je l'ai pas eu sur le ring, mais c'était grâce à mon père. Donc, ça vous donne un petit peu la vue de ce qui se passait, quoi. Moi, je me suis retrouvé aller à l'école avec deux oeils au beurre noir, etc. Et puis, donc, c'était assez, assez costaud, quand même. Donc, non, depuis 14 ans, je l'ai jamais revu et je demande pas à le revoir, d'ailleurs. Et à l'adolescence, est-ce que les arts martiaux vous ont aidé à garder un certain contrôle sur votre vie? Oui. Enfin, pour moi, c'était une hobby, hein. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Ils disent, tu fais du combat, peut-être justement parce que tu t'es fait un cogné un petit peu dessus quand tu étais petit, mais ça n'a rien à voir. En fait, moi, j'ai fait les arts martiaux, et puis c'est devenu hobby. J'ai beaucoup aimé. J'étais comme tous les gamins, quoi. J'achetais tous les magazines, etc. Et maintenant, ce qui se concerne tout ce qui est, moi, pas agressif, etc., je pense pas que ça va avec les arts martiaux, c'est simplement que je suis parti au bon moment de chez moi, et puis bon, le voyage, et puis les conseils que j'ai eus par ma mère, etc., ne fait que, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de contrôle, moi, par rapport à une personne comme mon père, par exemple. Et à quel moment vous avez décidé de devenir un combattant en mix martial arts, en MMA? C'est à quel moment dans votre vie que vous avez décidé, moi, je veux faire ça plus tard? Eh bien moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu partir aux USA, en fait. Et puis, je travaillais dans une salle de sport, une femme qui travaillait là-bas avait un ami qui vivait à Houston, et j'ai décidé de partir là-bas en voyage. Et c'était en fait en novembre 93. Alors pour l'histoire, on est passé dans un magasin d'arts martiaux, et puis, vous savez, il y a toujours ces petites affiches, etc., des tournois kickboxing, etc., et j'ai dit, tiens, regarde, il y a un tournoi kickboxing, j'irai bien. Et le gars, il me dit, mais tu veux y aller? Je fais, non, je veux le faire. Et donc, j'ai été là-bas, j'ai participé au tournoi du Sud-Ouest des États-Unis de kickboxing que j'ai d'ailleurs remporté. Et lorsque j'ai gagné ce tournoi, il y a pas mal de gens qui viennent me voir, qui me disent, vous savez, on a vu ce truc-là ici, aux États-Unis, on a ce truc, c'est du combat en cage, j'ai eu le premier UFC il y a ça quelques semaines, et j'ai vu la première cassette vidéo, en fait, du premier UFC 15 jours après que ça soit passé là-bas aux USA. Et moi, tout de suite, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, bien entendu, à l'époque, c'était pas un sport, c'était pas du MMA, c'était un petit peu encore, du spectacle, on va dire. Mais moi, tout de suite, c'est ce que j'ai voulu faire. Et d'ailleurs, j'ai fait mon premier combat en Val Tudor, et je dirais pas en MMA, parce que bon, c'était les anciennes règles, donc sans limite de temps, etc., en 95, aux USA d'ailleurs. En 95, et ben vous n'êtes pas demeuré aux États-Unis, si j'ai bien compris. Là, vous vous êtes déplacé plus vers l'Angleterre. Vous partagez votre temps maintenant entre l'Angleterre et la France? Oui, en fait, moi, j'étais parti vivre aux États-Unis en 95, et ensuite, en 96, je suis parti vivre en Angleterre, et j'ai vécu en Angleterre. En fait, pas du tout en France. J'ai vécu en Angleterre et entre l'Angleterre et les États-Unis. Moi-même, à un moment, j'ai vécu au Japon, etc. Mais en fait, ma base a toujours été Londres et l'Angleterre pendant ces 15 dernières années, en fait. C'est simplement maintenant, en fait, là, je viens juste de rentrer en France. Maintenant, simplement, je reviens vivre en France. Simplement maintenant. Et pour quelle raison vous retournez en France? C'est des raisons personnelles ou est-ce que vous pensez comme carrière de combattant, parce que vous combattez toujours, est-ce qu'il y a vraiment les installations suffisantes pour améliorer votre jeu de combattant? Eh bien, en fait, moi j'ai aidé, enfin quand j'ai vécu en Angleterre, dans les années, fin des années 90, début 2000, etc., il n'y avait pas vraiment de MMA. Donc moi, j'ai aidé à ma façon à promouvoir le MMA, etc., là-bas. Je pense que maintenant, les choses sont faites. Il y a l'UFC, etc., donc maintenant, le MMA est mainstream là-bas en Angleterre. Maintenant, il y a tout ça à refaire ici en France, donc je pense que c'est pour moi maintenant le bon moment de venir en France et de refaire ce même travail et d'essayer d'aider à promouvoir le MMA ici en tant que style et non pas judiciaire comme certains aimeraient le dire. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir l'ouverture de la première grosse salle de MMA en France. Alors je dis la première grosse salle simplement parce que c'est une grande salle de 900 mètres carrés avec non seulement les rings, les tatamis, la musculation, mais aussi on va avoir une cage de grandeur du UFC de 32 pieds. Et on va être ouvert 6 jours sur 7, de 10h du matin à 10h du soir, avec des entraînements professionnels, etc. Donc ça va être vraiment une vraie salle pro à l'américaine. Et donc, on m'a proposé de venir travailler dans cette salle à Toulouse, en France. Donc, j'ai décidé de rentrer et de faire ça. Alors, cette salle-là sera à Toulouse, c'est bien ça? Oui, Toulouse, c'est bien ça, oui. Et c'est un rôle que vous semblez vouloir prendre, être un genre d'ambassadeur, si on veut, pour le MMA en France. Est-ce que j'ai bien ressenti? Ambassadeur, je sais pas. Moi, je fais mon petit truc de mon côté. Hein. J'ai pas envie d'être au devant du groupe MMA, etc. Moi, je fais ça à ma façon. Vous savez, ça a toujours été une oubli. C'était un sport que même moi, devenir combattant professionnel, ça m'arrivait un petit peu par accident, on va dire. Et je suis arrivé dans ce style de combat que j'apprécie, qui moi s'adaptait exactement à ce que j'ai toujours voulu faire. Et maintenant, il est vrai que j'ai eu l'opportunité, parce que bon, j'ai combattu à l'UFC, etc. Donc on me donne plusieurs opportunités, des interviews dans les magazines, dans la télévision, etc. Donc il est vrai que je deviens un peu un ambassadeur sans même le vouloir moi-même. Mais c'est pas nécessairement ce que je recherche. Moi, j'essaie simplement à pousser le sport vers l'avant et puis à ce qu'il devienne autorisé en France, en fait. Ouvrir des portes pour les prochains, les plus jeunes. Oui, bien sûr, pour que ce soit beaucoup plus difficile pour eux. Hein. Et puis simplement, même sans pour le sport lui-même, je trouve ça que c'est complètement ridicule qu'on nous empêche de faire quelque chose qui est autorisé dans le reste du monde, tout simplement parce que des gros politiciens, parce que bon, ceux qui font partie des grosses fédérations d'arts martiaux, comme d'ailleurs la fédération de judo, etc., sont plus des politiciens que des pratiquants. Hein. Tous ceux qui sont en haut des fédérations, ils ont tous des gros bides et ils n'ont jamais fait de compétition de leur vie. Et c'est ces gens-là, justement, qui empêchent le MMA en France, qui sera bien s'il va y avoir du MMA, et bien ils vont perdre des cotisations. Qui veut dire cotisation, ils vont dire, ça veut dire qu'ils vont perdre de l'argent, etc. Donc c'est simplement une histoire de gros sous. Et donc c'est aussi contre cette chose-là que moi ça m'embête un petit peu, quoi. Donc moi je suis pour les droits d'expression, quels qu'elles soient, qu'elles soient au niveau sportif, même autre chose. Hein. Et si vous voulez nous parler un peu comment que vous êtes arrivé dans l'UFC, comment votre premier combat était à l'UFC 70, je pense, comment vous avez eu une offre? Eh bien, en fait, moi, pour être totalement honnête, quand j'ai commencé le MMA, je n'avais jamais pensé aller à l'UFC. Moi, j'étais au MMA dès le début, donc on se rappelle bien, enfin nous, l'ancienne génération, hein, moi, c'était déjà un privilège de pouvoir avoir un combat. C'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir un plan de carrière. Si vous êtes un jeune, vous dites, vous entraînez durement, peut-être que dans 4 ans, vous pourrez aller à l'UFC et c'est vraiment touchable si vraiment vous le voulez. Nous, à notre époque, ça n'existait pas. Rien, simplement d'avoir un combat, c'était un privilège. Nous, on nous contactait 48 heures avant, on disait, j'ai un combat pour toi, on été constants. Même si le gars faisait 10 kilos, 15 kilos plus que nous. Donc, c'est une génération complètement différente. Donc, pour moi, aller à l'UFC, j'y pensais même pas. Parce que d'ailleurs, des UFC, il y en avait beaucoup moins. Il y en avait un tous les deux mois. Il y avait pratiquement que les Américains. Et puis, si vous perdiez, ben, tout de suite, vous étiez jeté à la porte. Donc, c'était quelque chose auquel j'y pensais pas. Donc, je faisais simplement moi, ce que j'aimais, c'est-à-dire faire de la condition, de faire du combat. Et puis, mon manager, en fait, à l'époque, était rentré en contact avec l'UFC. Il leur a envoyé mes combats. Et je pense que ce qui les a séduits, c'était pas nécessairement mon record qui n'était pas le plus beau, mais en fait, mon style de combat qui était assez agressif et spectaculaire. Et donc, ils m'ont donné ma chance. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé à combattre face à Dennis Siver, en effet, à l'UFC 70. Bon, maintenant, vous avez fait 5 combats dans le UFC. 2 combats, en effet. Oui, vos deux premiers, vous les avez remportés. Les 3 suivants, vous les avez perdus. Maintenant, c'est quoi votre objectif? Est-ce que l'aventure UFC vous a tellement plu que vous voulez absolument y retourner? Ou ça a été un moment dans votre vie, le UFC, et puis là, ben, vous pouvez continuer à combattre dans n'importe où? Ou vraiment, l'objectif ultime, est-ce que c'est vraiment de retourner au UFC? Oui, bien sûr, c'est toujours l'objectif de toutes les personnes, parce que bon, maintenant, c'est comme on a goûté un petit peu au luxe, entre parenthèses, et qu'on se retrouve à vivre une vie normale, c'est toujours un peu difficile. Maintenant, c'est vrai qu'à l'UFC, on est relativement bien payé avec les sponsors, etc. On peut se permettre d'avoir 2 mois de préparation, donc devenir au meilleur de nous-mêmes, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Donc, c'est vraiment des grands luxes. Maintenant, je recommande une compétition un peu plus mineure. C'est toujours autant difficile pour moi, parce que c'est comme si j'avais une grosse croix sur mon visage. C'est-à-dire que les gens savent bien que s'ils me battent, ça peut leur donner un ticket en effet pour eux aller à l'UFC. Donc tous les gens qui veulent me combattre, eux ils sont bien prêts, c'est leur grosse opportunité. Mais pour moi, c'est un combat parmi tant d'autres. Et cette fois-ci, eh bien, j'ai pas 2 mois de préparation, j'ai pas je suis pas payé autant qu'à l'UFC, il n'y a pas les sponsors. Donc pour se préparer pendant 8 semaines, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc maintenant, c'est des combats toujours aussi durs. Mais voilà, on n'est plus aussi bien payé, c'est plus difficile pour se préparer. Donc bien sûr, pour moi, l'objectif est de retourner à l'UFC et de avoir cette possibilité de me préparer, de montrer le meilleur de moi-même encore une fois. Donc même si j'ai 36 ans, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à montrer. Je pense que j'ai pas montré tout ce que je savais faire dans l'octogone. Et puis j'ai eu un petit peu de malchance aussi, donc je pense pas que j'ai été viré de l'UFC parce que j'avais pas le niveau. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours un très bon contact avec eux. Et d'ailleurs avec Joe Silva, qui garde toujours un œil sur ce que je fais. Dernièrement, il m'a encore dit que oui, il fallait que je continue à rester actif, qu'il aimait encore un petit peu trop le monde du UFC. Il fallait encore qu'il vire une petite vingtaine de personnes. Et que si je continuais à gagner, eh bien, ils allaient me faire revenir. Ben justement, regardons un peu qu'est-ce que vous avez fait depuis votre dernière participation dans un gala du UFC. En 2009, vous avez fait 3 combats, si je me trompe pas. Vous les avez tous remportés. Et puis, vous avez fait un petit tour quand même. Là, si j'ai bien compris, le dernier combat était en Chine. Est-ce que je me trompe? Oui. En fait, quand je suis sorti du UFC, on m'a proposé de combattre un combattant anglais qui s'appelle Peter Irving. Alors, pour l'histoire, à l'époque, tous les Anglais disaient que c'était l'Anglais qu'il fallait qu'il aille à l'UFC. Il avait combattu et battu 3 combattants européens qui tenaient quand même assez bien la route. Et donc, ils se sont dit, s'il bat Lyonin, il devrait aller à l'UFC. Donc, pour moi, c'était un challenge parce que je combattais l'un des meilleurs Anglais. Et puis, on peut voir maintenant ce que les Anglais, ils font quand même à l'UFC. Hein, ils ont quand même un bon petit niveau. Donc, pour moi, c'était une motivation. Par contre, la paye, c'était pas terrible, quoi. C'était 2 000 $. Donc, mais bon, j'ai pris sur moi, je me suis bien entraîné et j'ai combattu et j'ai gagné par KO au premier round. Par contre, j'ai pris un combat tout de suite 2 semaines après parce que financièrement, j'avais besoin de cet argent. Donc, l'adversaire cette fois-ci, c'était plus un journeyman, c'était Lee Dusky que j'avais déjà battu précédemment. Donc, et en plus, j'ai combattu avec une main cassée parce que je m'étais cassé la main lors du combat précédent. Donc, ce deuxième combat était plus financier. Et puis, le dernier en Chine, eh bien, c'était une expérience parce que le MMA commence maintenant en Chine à être un peu plus connu. Je me suis fait des contacts lorsque j'avais donné des cours là-bas. Et puis, ils étaient vraiment intéressés de me faire venir combattre et se combattre dans un événement là-bas. Donc, à Hong Kong, le MMA est interdit. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ça à Macao, qui est juste à côté. C'est à 1 heure de bateau, en fait. Macao, c'est le Las Vegas asiatique. Et donc, on m'a donné un adversaire qui n'était pas de grande renommée, mais un grand champion thaïlandais qui était trois ou quatre fois champion du Lumpini et champion du monde de boxe thaï, mais qui évolue aussi en grappling depuis ces deux dernières années et qui a d'ailleurs gagné plusieurs médailles en grappling en Asie. Donc il pensait qu'il allait démener du fil à retordre, et puis bon, j'ai gagné ce combat en une minute quelque chose par ses bras, quoi. Mais bon, j'ai cru ce combat-là surtout aussi parce que c'était très très très bien payé, c'est ce que j'avais besoin récemment. Le public japonais, chinois, semble-t-il aimer le MMA? Pour le moment, ils sont pas trop fouillants parce qu'ils connaissent rien du tout au grappling. Hein. C'est un petit peu pareil dans le reste du monde. Hein. Même les combats qu'on peut voir qui sont dans l'autre promotion qui s'appelle Art of War, généralement ce sont des adeptes du Sanda, donc c'est plus pied-point en projection. Et lorsqu'on regarde les combats de MMA, c'est très rare que ça évolue beaucoup au sol. Tout de suite, les combattants sont vite relevés. C'est pas encore trop des adeptes du grappling, mais bon. Ils aiment beaucoup la boxe thaï, le pied-point fait fureur en Asie, donc pourquoi pas, il suffit simplement de donner un petit peu plus de temps, et je pense que c'est en effet, ça pourrait démarrer là-bas, parce qu'en plus il y a une grosse économie, donc je pense qu'il suffit simplement de leur laisser un petit peu plus de temps. Y avait-tu des participants chinois? Sur cet événement-là, en fait, c'était moitié boxe thaï, moitié MMA. Alors maintenant, les combats de MMA, c'était moi et un Thaïlandais, en plus c'était Anton Herrera, donc un autre Français, contre un Sud-Africain, et puis il y avait deux Brésiliens. Donc non, il n'y avait pas de Chinois qui combattaient en MMA sur cette carte-là. Est-ce que c'était bien organisé? Est-ce que les promoteurs ont bien pris soin des combattants à comparer d'autres organisations? Parce que vous avez quand même près d'une trentaine de combats professionnels à votre actif. Si vous comparez ça, là, l'organisation chinoise, est-ce que c'était bien préparé? Oui, c'était pas mal. C'était avec le I1 qui organise en grande partie des combats de boxe thaï. Alors, il y a un Français, Damien, qui a travaillé avec eux. En fait, il était co-promoteur et lui s'occupait des combattants de MMA. Lui, il s'occupait des combattants chinois. Donc, oui, on était bien sûr. Il nous emmenait dans un bel hôtel là-bas à Macao, à Hard Rock, etc. Donc, oui, c'était très bien organisé. D'ailleurs, il y avait beaucoup de répétitions pendant la journée pour pouvoir faire justement une belle entrée, etc. Ils nous ont emmenés aux quatre coins de Macao pour faire des vidéos promotionnelles. Donc oui, c'était pas mal organisé. Bon, c'était bien entendu par l'UFC, mais c'était très bien fait. Ils sont très bien occupés les combattants. C'était très professionnel. Donc oui, une bonne expérience. Pour revenir à Lidoski, que vous avez affronté et remporté son combat face à lui avec une main cassée, peut-être que je me trompe, mais j'ai lu que le combat était en France. Est-ce que je me suis... pouvez-vous m'expliquer ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien fait. En fait, j'étais le main event de ce qu'ils appellent l'ASF, donc je crois que c'est l'Absolute Submission Fighting. C'est un événement qui est de super fight de grappling, et le dernier fight, c'est toujours un combat de pancras. Donc en fait, ce qu'ils appellent pancras en France, c'est, on a bien entendu, les gants de MMA, on évolue en pied-point debout, et puis la projection, et lorsque ça arrive au sol, eh bien cette fois-ci, il n'y a que du grappling, on n'a pas le droit d'avoir les frappes au sol. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant, parce que j'aime bien justement travailler le ground and pound, donc lorsqu'on arrive au sol, tout de suite on évolue en grappling, ce qui est un style complètement différent que celui du MMA. Donc moi personnellement, j'accroche pas trop, mais moi, bon, ça a pu donner la possibilité de combattre en France pour mes fans français, entre parenthèses, que j'aime pas appeler les gens fans, je dirais plutôt mes supporters français, et donc ça m'a donné cette opportunité, donc c'était bien. Donc j'ai pas pu montrer un super fight parce que j'avais cette paluche de cassé, quoi, donc c'était pas terrible, mais bon, au moins il y a quelques Français qui ont pu voir m'évoluer en direct, donc c'était assez sympathique. En plein moment, est-ce que c'est difficile de savoir quel règlement est en jeu? Comment ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Durant le combat, pendant que vous êtes en pleine action, ça doit pas être évident de se rappeler quel règlement est différent. Je veux dire, se rappeler, vous avez pas le droit des frappes, c'est quand même quelque chose de majeur, mais les règlements qui changent d'une promotion à l'autre, est-ce que ça cause un problème ou? Oui, ça peut poser un problème, mais sur celui-là, bon, bah, il n'y avait pas vraiment un gros changement. C'est pour ça que moi, j'ai toujours du mal à comprendre lorsque il y a des gens qui sont disqualifiés, qui font quelque chose, et puis ensuite, ils se retournent et disent, oh, bah, j'ai pas fait exprès. Je veux dire, peut-être parce que j'ai de l'expérience, mais moi, ça m'est jamais arrivé de toute ma carrière de faire quelque chose dans un combat auquel j'avais pas le droit. C'est-à-dire que je pense qu'on est toujours plus ou moins réaliste de ce qui se passe, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Donc après, les gens, ils disent dans l'excitation, etc. Bon, après, c'est peut-être justement parce que les gens n'ont peut-être pas autant d'expérience et qu'ils sont surexcités, etc. Mais bon, Non, non, à aucun moment, je me serais vu le frapper au sol. Il est vrai que des fois, en transition, lorsqu'il tombe du sol, il fait du scrambling, donc peut-être à ce moment-là, c'est peut-être un peu difficile de savoir quand on le frapper ou pas, mais c'est vrai que non, tout de suite, on sait les règles, et puis bon, lorsqu'on sait les règles, on se prépare avec ces règles. C'est-à-dire que moi, bon, pendant les quelques semaines ou quelques jours entre ces deux combats, j'ai évolué au sol qu'en grappling pour vraiment me rappeler qu'il fallait pas que je frappe. Donc non, j'étais plus frustré personnellement que je pouvais pas frapper, mais là, non, c'était pas difficile de retenir les frappes entre parenthèses. Avec qui vous êtes entraîné en Angleterre? J'ai cru comprendre que vous avez fait un beau petit tour puis entraîné un peu ici et là, mais pas nécessairement avec une équipe fixe pendant longtemps. Alors jusqu'à mes combats à l'UFC en Angleterre, je m'entraînais en fait plus ou moins avec mes élèves, on va dire, et puis des gens qui sont dans ta gauche, donc des gens pas nécessairement vraiment connus. Ensuite, lorsque j'évoluais aux États-Unis, j'étais m'entraîné à Team Quest. J'étais le premier Français à m'entraîner à Team Quest, qui ensuite, après, j'ai ouvert les portes à tout un ribambelle de Français qui sont venus là-bas. Ce soit Cyril qui est arrivé. Ensuite, il y a eu aussi Anthony Rea, il y a eu Diabaté et toute son équipe, Professeur Serek, etc. Ensuite, j'ai été m'entraîner chez Joe Stevenson. Oui. Et là, pareil, Ferid, il ne pouvait plus se passer de moi non plus. Je lui manquais tellement, donc il est venu me rejoindre chez Joe Stevenson aussi. Et je me suis entraîné en Asie, etc., et au Brésil. Mais pour mes préparations de combat, là, je suis en grande partie entraîné. En plus, mais pour ces combats cette année, je me suis entraîné en France. Je me suis entraîné avec Vincent Paradis pour ma préparation physique. Et puis tout ce qui est grappling, etc., avec Flavio Perroba. Là, pour mon dernier combat, je me suis entraîné avec un autre Français qui s'appelle Anthony Rea, qui est venu m'aider lorsque j'étais en préparation à Hong Kong. Puis qu'est-ce que vous voulez améliorer? Est-ce qu'il y a des choses vraiment dans votre tête qui vous restent juste à peaufiner puis pour améliorer puis peut-être vous donner une seconde chance dans une organisation majeure? Je pense que moi je suis assez well-rounded, c'est-à-dire que mon pied-point, mon grappling me sont bien à moi, c'est-à-dire que j'ai pas un pied-point ou un grappling qui ressemble à d'autres combattants. Ma lutte est pas trop mal non plus. Non, je pense qu'après ce qui fait la différence, surtout à haut niveau, c'est des petits détails, des petites choses qu'on apprend et que le style lui-même, le MMA, change de pas d'année en année, mais même presque de mois en mois. C'est-à-dire que maintenant, depuis, on va dire, presque un an maintenant, tous les gens savent vraiment faire du scrambling. C'est-à-dire, aussi vous avez sur le dos, ils utilisent tout de suite cette cage pour pouvoir se relever. Donc, vraiment utiliser la cage pour amener les gens au sol, c'est bien. Mais maintenant, les gens vont aussi utiliser cette cage pour se relever. Donc, il faut maintenant les amener au sol et puis en plus les tirer d'envers cette cage. Donc, il y a une évolution du sport qui change constamment en fait, et même des techniques, voire des soumissions ou des positions sur lesquelles on peut utiliser des frappes qui changent constamment. Donc il faut toujours toujours se remettre au goût du jour, et tout combattant quel qu'il soit, non seulement il faut qu'il améliore son pied-point, sa lutte et tout ça, et puis mais aussi qu'il se mette toujours au goût du jour ces techniques que les gens utilisent de plus en plus dans les combats actuels à haut niveau. Donc maintenant, pour ce qui vient de moi aussi, bon, il y a aussi la condition physique qui joue énormément. Je pense que maintenant, on regarde à l'UFC, les gens nous parlent des dernières submissions qui sortent, etc. Je pense que maintenant, à l'UFC, ça n'a pas vraiment à voir avec les dernières soumissions du jour ou voir les techniques de lutte. Je pense que ça a grande partie avec la condition physique. On voit les gens, ils ne se fatiguent pas. On regarde des gens comme, je sais pas, que ce soit Georges Saint-Pierre, mais même d'autres combattants comme Tyson Griffin, etc. On dirait des piles électriques, les gens, ils fatiguent jamais. Donc c'est vraiment du sport du haut niveau. Il faut avoir une condition physique qui soit parfaite, ne jamais fatiguer, et puis bien sûr avoir toutes ces techniques de base. Mais maintenant c'est beaucoup du pied-point, le pied-point s'améliore de plus en plus. Donc maintenant il faut vraiment cartonner debout, avoir une bonne lutte ou un bon scrambling, et avoir une condition physique d'enfer. Et si on a ces compagnons, je crois qu'on peut vraiment arriver à faire son trou à l'UFC. Vous dites que le sport a évolué beaucoup, puis effectivement, nous, je pense, on le constate aussi. Qui sont parmi vous les jeunes combattants là, innovateurs là? Moi, j'ai en tête John Jones là, surtout, qui va avec des coups vraiment très créatifs. Est-ce que vous voyez d'autres combattants, vous, qui innovent et qui ont apporté quelque chose de nouveau sur la scène internationale en MMA? De nouveau, je sais pas. Bon, John Jones, c'est vrai que c'est un combattant vraiment explosif. Il essaie d'utiliser des techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais on peut pas parler vraiment d'innovateur sans parler des gens comme Georges Saint-Pierre qui a une technique de lutte extraordinaire. Mais je mettrai encore Georges dans une catégorie complètement différente parce que j'ai l'impression que Georges, pour moi, quand je pense de Georges, je pense que c'est un peu un mutant. Vous savez, je pense qu'il a des qualités physiques qui sont carrément hors pair. Même moi, j'entendais des histoires sur Georges, même avant qu'il soit à l'UFC. De par Christophe Midou, etc., qui me disait qu'il arrivait à faire des choses à l'entraînement qu'il n'a jamais vues. Hein. Et pourtant, voir que Christophe, c'est un beau ringueur, il s'est entraîné un peu partout dans le monde aussi. Donc je pense que Georges, c'est dans une catégorie encore différente. Mais même lorsqu'on voit du technique de pied-point d'Anderson Silva, il fait des choses qu'on voit personne d'autre ne faire. Maintenant, des nouveaux petits jeunes, je pense qu'ils sont tous, surtout dans la catégorie des légers, quoi. Ils savent vraiment tout faire et sans nécessairement faire des techniques spectaculaires, mais on voit la façon dont ils boxent, la façon dont ils luttent, les transitions qu'ils ont au sol. Comme je dis encore, c'est des piles électriques. Les mecs, ils s'arrêtent pas. Ils sont haut, en bas. C'est surtout ça, moi, qui personnellement m'impressionne. Avez-vous déjà eu la chance de venir au Québec? Non, malheureusement, je n'ai pas eu cette chance et pourtant, on me dit que du bien. C'est Christophe qui va souvent, encore Anthony Ray qui m'a dit, non seulement ça me fait plaisir parce que bon, les gens m'ont l'air très sympathiques, et puis il y a des gens très très bien avec qui s'entraîner, et surtout on m'a dit qu'il y avait de très très belles femmes là-bas. oui, ça c'est sûr. Moi, ils sont tous autour de Fred, vous allez voir. Vous avez parlé de Christophe Midou. Est-ce que Christophe Midou combat encore, il s'entraîne toujours? Parce que lui, il a été un de ceux, je pense, qui a aidé Georges Saint-Pierre à démarrer sa carrière. Puis ensuite, je pense, on l'a perdu un peu de vue ici au Québec. Oui, bah, je crois qu'il est beaucoup aussi... Il est toujours à droite, à gauche avec son travail, etc. Mais oui, il s'entraîne toujours. Maintenant, au niveau compétition, etc., je ne sais pas trop. Je reste pas trop en contact constant avec lui. Mais pour revenir sur Christophe, oui, c'était en plus l'un des premiers combattants français à vraiment combattre. Parce que bon, son record, si on regarde sur Sherdog, c'est peut-être pas le meilleur record du monde. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Christophe était là dans l'ancien temps où il y a eu beaucoup de combats qui n'étaient pas nécessairement répertoriés sur Sherdog. Tous ces combats qui se faisaient en règle à main indienne, etc. Et moi, j'ai eu la possibilité de m'entraîner avec lui. Et c'est aussi un très, très bon pédagogue. Et en combat, encore une fois, c'est un des combattants qui a peut-être pas montré tout ce qu'il savait faire. Et moi, j'ai pu le voir évoluer. Il a un très bon grappling et un très bon niveau de lutte. Et c'est un gars qui aurait beaucoup, justement, à montrer aux gens. Donc, mais c'est vrai qu'il a commencé, que Georges a commencé avec lui. Je crois que tous les deux viennent d'ailleurs de l'école du Kukulcikai. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont rencontrés. Oui, ben parlez-nous maintenant de tous les gens que vous avez rencontrés, que ce soit avec la Team Quest, avec Joe Stevenson en Angleterre. Est-ce qu'il y a quelques combattants, quelques pédagogues? Ouais, allô, Ken? Ken? Je t'ai... Allô? Allô, oui, c'est bon, par là. Ah, OK. Ah, désolé, ça a eu une coupure. Désolé, ben je voulais juste seulement savoir, Monsieur Liodin, si parmi toutes vos rencontres que vous avez eues, que ce soit aux États-Unis avec la Team Quest, avec l'équipe de Joe Stevenson, ou en Angleterre, il y a eu des personnages, des combattants, des pédagogues qui vous ont fortement impressionné pour quelle que soit la raison? Des pédagogues, non. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment eu de professeur en tant que tel. J'ai un petit peu appris un peu à l'arrache, comme un peu tous les anciens avec les DVD, etc. Maintenant, avec tous les gens que j'ai évolué, ils m'ont tous appris des petits trucs. Comme par exemple Dan, bien entendu, j'ai beaucoup appris au niveau gréco, tout ce qui est dirty boxing, etc. D'ailleurs, j'en ai utilisé lorsque mon combat contre Anthony Torres, tout ce qui est coup de poing au niveau du clinch, etc. Tout ça, ça vient de Dan. Mais aussi avec Joe Stevenson, qui m'a appris des bonnes techniques de lutte aussi. Et puis son professeur de boxe aussi qui m'a beaucoup aidé. Et puis tout aussi les gars avec qui je me suis entraîné. Déjà gars comme par exemple Philip Keller que vous avez reçu dans votre émission, qui m'a montré de belles projections, etc. Donc j'ai appris aussi beaucoup, non pas nécessairement avec des gros noms, mais aussi avec des gens qui sont peut-être aussi un petit peu moins connus. Aussi Nicolas Régnier, par exemple, un très bon grappleur français, qui m'a appris de belles choses aussi, des bonnes transitions au sol. Donc j'ai appris aussi avec énormément de monde. Je pense que c'est ça qui est bien avec les arts martiaux, on continue à apprendre encore tous les jours, même avec des gens qui ont fait beaucoup moins que moi, que ce soit au niveau combat, qui ont même moins d'expérience et qui s'entraînent depuis moins longtemps que moi. On apprend encore tous les jours, c'est ça qui est extraordinaire avec ce sport. Oui, puis je pense que c'est la grosse différence avec plein de... Ken, encore. Ken? De chaque discipline à travers le monde. Ça, je trouve que c'est un beau message dans une société parfois où on trouve qu'on est trop renfermé sur nous-mêmes. Oui, bien sûr. C'est ça le problème avec la plupart des arts martiaux traditionnels. Ils font toujours la même chose. Ils sont pas assez ouverts à d'autres choses. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont une espèce de rancœur envers nous, parce que nous, on est un sport qui est toujours en constante évolution. Il faut toujours se remettre en question, il faut toujours apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on peut être un expert en MMA. On est un gars qui était un expert en MMA il y a 4-5 ans, qui était champion, eh bien, il sera peut-être pas aussi relevant de nos jours. C'est-à-dire que le sport, il change toujours constamment. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce sport-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de gens qui ne nous aiment pas. Oui, monsieur Liodin, moi, Ken et moi, on s'amuse à essayer de trouver un combat pour intérêt local et je vous demande si vous seriez prêt à venir combattre à Montréal. Oui, bien sûr. Bah, pourquoi pas. Et à quel poids vous combattez en ce moment? En ce moment, je suis un petit peu feignant et j'aime pas trop descendre, donc en ce moment, 77 kilos, donc 170 livres. OK, ben moi et Ken, on va glisser votre nom à gauche et à droite. On va voir ce qu'on peut faire. On a essayé avec Cyril Diabaté, mais on trouve personne à son calibre pour le moment. Mais on va essayer avec vous aussi. Oui, mais bon, parce que Cyril, il est très grand et puis il est pas beau. Donc, c'est pour ça que les gens veulent pas le faire venir au Canada. Mais moi, je suis un beau gosse, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Mais c'est quoi vos projets là à court terme? Est-ce que vous avez des défis qui vous attendent? Est-ce que vous avez déjà un combat de prévu peut-être pour la fin 2009 ou le début 2010? Alors, 2010, il y a mon pote Cyril qui veut qu'on se revoie. Parce que, encore une fois, je lui manque énormément. Donc, on va peut-être aller combattre tous les deux au Costa Rica en fin février, mais ça c'est pas encore sûr. Après, moi je vais essayer de négocier pour faire le Bellator parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi financièrement. Donc, mais bon, ça non plus c'est pas encore fait. Maintenant, il y a d'autres promotions bien sûr pour lesquelles je pourrais signer, mais il faut toujours faire attention. C'est-à-dire que par exemple, si je signe avec le Strikeforce, ça veut dire que je pourrais pas retourner à l'UFC. Donc c'est ça qui est un peu délicat et j'ai envie de retourner à l'UFC. Donc on va voir. Mais sinon, mis à part ça, il y a un très très gros combat que je vais avoir en France avec un très très gros nom du MMA et du Valtudo. Mais malheureusement, je peux pas le dire pour le moment parce que bon, c'est un petit peu la surprise. Normalement, ce combat devrait se faire au mois de mars en France et ça va être un combat qui va vraiment certifier tout le public français. Mais dès que vous allez pouvoir mentionner son nom, j'espère que vous allez nous transmettre le message. Mais d'ici là, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un tout petit indice sur sa nationalité, par exemple? Ah, bah c'est un Brésilios, mais ouais, je peux pas trop en dire non plus, quoi. Okay. Mais c'est un vieux de la vieille, mais je pense pas qu'il soit beaucoup plus vieux que moi. Il combattait déjà à l'époque en Valtudo sans les gants, sans tout ça. C'est un combattant explosif. C'est un combattant qui est montré du spectacle, très agressif. Et donc je pense que si vous êtes un habitué du MMA et vous connaissez, vous mettez tous ces trucs ensemble et je pense que vous allez trouver. Ben on va travailler fort pour être certain. Est-ce que c'est bon? Je veux pas vous sortir les verres du nez, mais c'est sûr qu'on va suivre ça avec intérêt. Puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Français aussi qui vont être agacés par ça. Puis on va s'amuser dans les prochains jours à trouver qui est ce fameux combattant là que vous allez affronter en France dans votre nouvelle patrie. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour l'année 2010? Évidemment, bon, retour au UFC, ce serait le bienvenu pour vous. Mais est-ce que vous pensez qu'en 2010, c'est également possible que le MMA devienne entièrement légal en France? Est-ce qu'à court terme comme ça pourrait se réaliser? 2010, moi, j'y pense pas. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, ce que l'UFC ne comprennent pas, c'est lorsqu'ils sont arrivés, par exemple, en Angleterre, ça fait déjà 10 ans qu'on faisait du MMA. Ça fait 10 ans qu'en effet, les gens, ils aimaient pas ça. Les gens, ils disaient des articles négatifs, ils disaient que c'était violent, etc. Mais c'était pas interdit. C'est ça le problème. La même chose en Allemagne. Ils sont partis en Allemagne. Ils sont fait incendier par la presse, etc. Mais encore une fois, c'était pas interdit. La grosse différence avec la France et le reste, c'est que c'est interdit. Donc, il faut changer les lois. Donc ça va être vraiment difficile. C'est pas des choses qui vont arriver du jour au lendemain. Alors, bien entendu, moi qui connais des gens du UFC, je sais très bien qu'il y a déjà des gens dans le sport français Des gens dont je tairai le nom, mais les gens, à mon avis, savent très bien de qui je parle, qui sont déjà mis vers l'avant, ils se sont dit, ah oui, mais moi, si vous me donnez des sous, je vais faire débloquer les choses. Mais ça va pas se passer comme ça. C'est même pas une histoire d'argent, c'est même pas une histoire de tout ça, c'est simplement qu'il faut qu'ils changent d'esprit. Et ça, en France, avec la paperasserie française et tout ce qui se passe, ça va pas se passer comme ça du jour au lendemain. Donc ça a suivi nous, à tous les Français, à tous les pratiquants, d'avoir aussi notre responsabilité aussi, d'essayer d'aider aussi le plus qu'on peut une bonne image du MMA. Il faut que tous qu'on y foutent la main à la pâte, en fait. Hein. Ça va pas être juste UFC qui vont tout faire. Moi, en 2010, j'y crois pas. Mais bon, 2011, 2012, pourquoi pas. Maintenant, pour moi, en 2010, je vais faire de mon mieux pour justement essayer de populariser ça. J'ai quelques petites surprises sous mes manches sur lesquelles je peux pas vraiment parler, mais je pense que si ça se passe cet été, je vais faire un gros boom et je vais faire un gros coup de pub pour le MMA et ça sera dans toutes les chaumières. Mais bon, rien n'est encore fait, donc je peux pas trop en parler, mais je pense que pour moi, mon vœu de 2010, ça serait que ce souhait-là, ce que j'ai en projet, se déroule et puis ça va aider la popularité de notre sport. Moi, je pense que ça va arriver plus vite qu'on le pense. Le MMA ne peut pas être arrêté. Et aussi, tout le monde qu'on a eu en entrevue de France, que ce soit vous, M. Diabaté, Bendy Casimir, vous êtes tous super, vous parlez bien, vous êtes des beaux exemples, si on veut, à montrer devant la TV. Alors pour moi, ça va se faire assez vite. Oui, je pense aussi. Je pense que nous, on a tous aussi compris que c'est aussi notre... les combattants, je parle aussi des vieux de la vieille. Et puis, nous, ça fait un bout de temps qu'on a notre boss. Donc, on a aussi compris que c'est notre responsabilité de donner une bonne image du sport, qu'il fallait aussi qu'on sache savoir combattre, c'est une chose, mais il fallait aussi savoir parler aux gens, parler aux journalistes, et puis donner une bonne image de ce qu'on fait. Donc c'est vrai que, d'un autre côté, c'est pas mal. Mais c'est moi, l'avantage que j'ai par rapport à toute la ribambelle de gars que vous avez... énuméré, c'est que moi je suis beau gosse, encore une fois, je le répète, hein, tous les autres ils sont moches, donc ça donne aussi, c'est plus facile au niveau de l'image, on est bien d'accord. Monsieur, ouais. Non, c'est vrai, vous êtes jamais venu à Montréal, j'allais vous demander si vous connaissiez chez Paris, mais c'est une place qu'il va falloir vous connaissez quand vous venez à Montréal. Eh bien, il va falloir vous faire venir, les gars, hein. Il va falloir que vous fassiez votre boulot, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous devriez déjà être au téléphone en train d'essayer de me négocier un petit combat, là. Oui, on va sortir votre nom. On a du potentiel, je pense, à 170 livres. On va trouver quelqu'un. Mais avant de terminer, là, est-ce qu'il y a une fraternité avec les autres combattants français? Bon, on a pu sentir dans vos propos que vous étiez assez proche de Ferid Kader. Il y a beaucoup quand même de combattants français pour des Français dont le pays où le MMA n'est pas encore permis. C'est quand même assez étourdissant de voir tous les combattants qui combattent dans des organisations prestigieuses, puis d'autres combattants qui combattent un peu partout, ici, à gauche et à droite. Il y a plusieurs Français quand même. Est-ce qu'il y a une fraternité entre vous? Oui, bien sûr. Par contre, on a tous un peu commencé un peu dans le même bateau, il y a ça 10 ans. Hein. On s'est tous rencontrés là-bas. Moi, je me rappelle, il y a ça presque 10 piges maintenant. Je combattais Moïse Rimbaud, et dans son coin, justement, il y avait Cyril... Alors, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, qu'on se côtoie, qu'on se retrouve côte à côte dans des cages, que des fois on est à l'autre bout du monde, que tiens, j'ai pas de mec dans mon coin, est-ce que tu peux m'aider, etc. Donc tout ça, ça nous a un petit peu réunis. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'entraide. Hein. Moi, alors que j'étais à Team Koi, j'ai fait venir d'autres Français là-bas, j'aurais donné l'opportunité de venir et de venir s'entraîner. Dans ce coin-là, j'ai fait la même chose lorsque j'étais chez Stevenson. Je pense qu'il faut justement serrer les coudes et serrer de son côté, faire la même chose. Il a une porte ouverte chez lui, il reçoit toute une ribambelle de Français, comme là, il vient de recevoir Bendy, etc. Donc je pense que c'est ça le but du jeu. Hein. Je pense que encore une fois, nous, on s'aide, on s'entraide, il faut aller vers de l'avant. Et donc, c'est ça. Mais bon, encore une fois, moi, par contre, même si je suis ami avec d'autres Français, etc., ça m'empêcherait pas de les combattre si je dois les combattre. C'est-à-dire que le sport reste quand même des sports. Et même si je suis assez close, assez ami avec pas mal de combattants, si je dois les combattre, ça me dérangerait pas. Puis maintenant, là, c'est vraiment nos dernières questions. Faut qu'on parle de cette salle à Toulouse. Ça va ouvrir quand? C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert? C'est déjà ouvert. Là, je suis sur la route, en fait, pour descendre à Toulouse. Je suis parti de Londres hier. Là, je suis chez ma mère en ce moment, je suis juste passé vite fait. Et là, je repars demain pour Toulouse. Donc, c'est déjà ouvert depuis un petit mois. Donc, il y a moi qui entraîne là-bas en MMA. Il y a aussi Gaël Grimaud, qui faisait partie de l'équipe de France de M1, donc il tourne pas mal en MMA, etc. Il y a Fabrice qui est un très bon combattant et un très bon pédagogue en pied-point, qui évolue en boxe française, en kick, etc. Et puis aussi Christophe Chiuso qui viendra une fois par mois donner des cours de boxe. Donc une salle avec des professeurs qui savent de quoi ils parlent. Comme j'ai encore dit, il y a 900 mètres carrés, on va avoir une mezzanine au-dessus avec des lits superposés, etc., pour que les gens puissent venir rester, s'ils veulent rester un peu plus longtemps, etc. Et puis bon, là, la politique de porte ouverte, c'est-à-dire que n'importe quelle équipe, n'importe quel combattant peut venir s'entraîner avec nous, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, dans la ville même de Toulouse, il y a déjà deux combattants français relativement connus qui sont Mathias Sexio et Anton Herrera, et qui ont leur club. Et on n'est pas là-bas non plus pour leur faire leur compétition. C'est-à-dire qu'eux, ils font leur business et bien entendu, ils viendront aussi nous entraîner avec nous. Et c'est notre politique. On a une politique de porte ouverte. On est prêts à s'entraîner avec n'importe quelle équipe en France. Et voilà quoi. Et en parlant de Christophe Chiuso, je ne veux pas vous piéger, mais est-ce que c'est le frère de l'ancien champion Fabrice Chiuso? Oui, mais Christophe était champion aussi. Hein. Ah, ben moi, je dois vous dire que je connais seulement Fabrice Chiuso parce qu'il a affronté l'un de nos Québécois ici, Éric Lucas. En boxe, il y a déjà de fort longtemps. Alors, c'est pour ça qu'on connaissait Fabrice Chiuso ici au Québec. Gagné. Ah, ça, c'est pas fait, monsieur Lyonnais. Non, évidemment, c'est Fabrice Chiuso qui avait remporté le combat assez facilement, malheureusement. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, vous, les Québécois, vous essayez de vous combattre les Français. Non, mais vous rigolez ou quoi? Vous croyez que les Québécois ils vont battre des Français depuis quand c'est arrivé, ça? Bon, je vous le dis, vous me faites venir là-bas au Québec, ça va être la même histoire. On va essayer de vous trouver un 170 livres. On a quand même quelques 170 livres intéressants provenant du Québec, dont je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il a comme surnom Roche, Georges Saint-Pierre et pas piqué des verres. Ah oui? Oui. Ah ben, ça pourrait être intéressant, moi. Je vous dis, du moment qu'il y a une bonne prime, moi, il y a aucun problème. Vous mettez qui vous voulez, King Kong, quoi que ce soit, moi, je viens, il n'y a pas de problème. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lyonnais, Monsieur Beaugosse. J'espère que vous allez avoir beaucoup de succès avec la nouvelle salle installée à Toulouse. Et est-ce que c'est ouvert également aux femmes? Oui, bien sûr que c'est ouvert aux femmes. D'ailleurs, on a des cours de salle de fin juste pour femmes. C'est ouvert pour tout le monde. Les femmes, les hommes, les petits, les grands, et même les Québécois, donc c'est pour vous dire. Alors bon, on se laisse là-dessus, puis je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Ça a été très plaisant de découvrir un peu tout votre parcours qui vous a mené jusqu'à Toulouse. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Encore merci à vous, et encore merci à tous les supporters français qui sont derrière mes fesses tout le temps à me pousser, et puis tous les francophones à travers le monde qui apprécient mon travail. Ouais, au revoir, merci. Merci, au revoir.